Récemment a été dévoilée la bande terroriste criminelle qui s'est infiltrée dans notre pays au bout des préparatifs minutieux à la dérobée par la CIA et l'agence de renseignement sud-coréen en vue de commettre un acte terroriste d'État à l'aide d'une substance biochimique contre notre direction suprême. À ce propos, le porte-parole du ministère de la Sûreté nationale de la République populaire démocratique de Corée a publié le 5 mai une déclaration. En voici le résumé. Les meurtriers de l'agence de renseignement sud-coréen de connivence avec la CIA ont corrompu en juin 2014 idéologiquement un certain Kim, citoyen de notre République, qui travaillait comme ouvrier à la filiale forestière du territoire de Khabarovsk de la Fédération de Russie pour le rendre en terroriste plein d'antipathie et d'esprit de vengeance contre notre direction suprême. Et ils ont fait le complot visant à commettre un acte terroriste à la bombe ayant pour objectif notre direction suprême lors de la cérémonie au Palais du Soleil de Kumsusan, de la parade militaire et de la manifestation de masse après la rentrée de Kim dans la patrie. De plus, ils ont affirmé que la méthode d'assassinat sans s'approcher auprès de la direction suprême à l'aide d'une substance biochimique comme les matières radioactives ou toxiques à la forme de nanomètres serait la meilleure, ce qui va donner un résultat mortel après 6 mois ou 1 an, que la substance biochimique pourrait être ajoutée en collaboration avec la CIA avec une seule information correcte, que seule la CIA connaît et produit les composants de la substance biochimique destinée au terrorisme et que l'agence de renseignement sud-coréen prend en charge tous les équipements, matériels et fonds nécessaires au terrorisme. Et ils ont donné des instructions détaillées à Kim avec 20 000 dollars américains et les appareils d'émetteurs et récepteurs satellitaires à 2 reprises pour qu'il s'y exerce. Plus tard, lors de leur liaison satellitaire avec le terroriste Kim installé à Pyongyang, les agents de renseignement sud-coréens lui ont donné encore des instructions qui consistent à préciser les appellations d'opérations pour le terrorisme de notre direction au mois de janvier, de mai, d'août et de septembre 2016, les méthodes de différentes sortes à l'aide d'une substance biochimique, de subornation des sujets d'action et de leur pénétration au lieu de cérémonie, et de choisir et informer la méthode la plus efficace, probable et sûre. Le 12 août 2016, ils ont donné encore des instructions d'envoyer des informations détaillées nécessaires comme l'environnement des alentours, l'état de surveillance et l'ordre de cérémonie pour qu'ils puissent étudier le projet le plus rationnel en collaboration avec la CIA et de collectionner autant que possible des informations intéressées. En mars et en avril dernier, l'agent de renseignement sud-coréen Cho Gi-chol et son mouchard Ho Kwang-hae, directeur général de la compagnie anonyme commerciale Nazca de Qingdao, ont rencontré le complice terroriste à Dandongshin pour remettre le nouvel appareil d'émetteur et récepteur satellitaire avec une somme de 50 000 dollars américains et conclure un contrat pour mettre sur pied un point d'appui de liaison d'outre-mer. Et au début du mois de mai, ils ont fait la première livraison des équipements et matériaux nécessaires. Le directeur de l'agence de renseignement sud-coréen Lee Byung-ho a flatté le terroriste comme s'il était l'être le plus précieux pour la nation et son agence, pour ainsi organiser directement l'opération terroriste et inciter un certain Han, chef d'équipe de son agence et son agent Cho Gi-chol, à l'exécuter à la tête. Les instructions meurtrières données aux terroristes pour l'opération s'élèvent à plus de 80 reprises. Vu l'arrivée de la frénésie extrême de l'établissement de renseignement sud-coréen à l'étape dangereuse à ne plus négliger, nous anéantirons impitoyablement tous les fanats terroristes de la CIA et de l'agence de renseignement sud-coréen qui visent notre dignité suprême. Le ministère de la Sûreté nationale, qui considère vitale la défense du leader, du régime et du peuple, arrêtera jusqu'au dernier tous les organisateurs, complices et suivistes du complot terroriste d'État ultra-géant, sans égard de leur cache sur ces terres, et anéantira sans pitié, avec le coup de justice, ceux avec la volonté de notre armée et de notre peuple, qui brûlent le cœur avec la haine et l'indignation contre les pires meurtriers. Dès lors, sera commencée notre attaque antiterroriste de justice à la coréenne pour balayer les organismes de renseignement et de conspiration des impérialistes américains et des autorités sud-coréennes, groupe terroriste le plus lâche et cruel. Si les ennemis négligent notre avertissement et le désir commun de l'humanité et continuent le défi, ils n'obtiendront que la fin la plus lamentable dans l'histoire.